Mais, tôt le matin, Maston vient réveiller Ardan et tous deux partent à la recherche des duelistes pour les empêcher de se battre. Rapidement, Maston met Ardan au courant de la situation. Il lui a appris les véritables causes de l'inimitié de Barbicane et de Nicole, comment cette inimitié était de vieille date. La scène du meeting n'avait été qu'une occasion, longtemps cherchée par Nicole, de satisfaire de vieilles rancunes. Après une heure de vaine recherche dans les bois, les deux compagnons s'arrêtèrent. Leur inquiétude redoublait. Pendant une heure encore, la recherche se prolongea. La plus grande partie du bois avait été explorée. Tout d'un coup, Maston s'arrêta. « Quelqu'un là-bas !»« Et c'est le capitaine Nicole !» Nicole, désarmé, il n'avait donc plus rien à craindre de son adversaire. En effet, le capitaine Nicole, son fugitaire, s'occupait à délivrer le plus délicatement possible la victime prise dans les filets d'une monstrueuse araignée. « Vous êtes un brave homme, vous !»« Michel Ardan, s'écria le capitaine, que venez-vous donc faire ici ?»« Vous serrez la main, Nicole, et vous empêchez de tuer Barbicane, ou d'être tué par lui !»« Barbicane, s'écria le capitaine, que je cherche depuis 2 heures sans le trouver !» « Capitaine, dit alors Maston, je suis l'ami du président, son alter ego, tirez sur moi !»« Monsieur, dit Nicole, en serrant son rive d'une main convulsive, c'est plaisanterie !»« L'ami Maston ne plaisante pas, répondit Michel Ardan. J'ai affaire aux deux rivaux une proposition si séduisante qu'ils s'empresseront de l'accepter. » Pendant une demi-heure encore, les recherches furent inutiles. Soudain, « C'est lui !» fit Maston. « J'ai trouvé, mon ami, j'ai trouvé !»« Quoi ? Mon moyen ? Quel moyen ?» Le moyen d'annuler l'effet du contre-coup au départ du projectile. Oui, de l'eau simple qui fera ressort. Michel Ardan intervint sans laisser aux deux ennemis le temps de s'interpeller. Et il raconta au président l'histoire du capitaine. Je vous demande un peu, dit-il en terminant, si deux bons êtres comme vous sont faits pour se casser réciproquement la tête à coups de carabine. L'ami Barbicane croit que son projectile ira tout droit à la lune. Et l'ami Nicole est persuadé qu'il retombera sur la terre. Je n'ai pas la prétention de vous mettre d'accord. Mais je vous dis tout bonnement, partez avec moi et venez voir si nous resterons en route. Acceptez, s'écria Barbicane. Mais si vite qu'il eut prononcé ce mot, Nicole l'avait achevé en même temps que lui.